Alors, salut les petits cailloux! Spring va vous parler un petit peu de la situation des exilés face au coronavirus. Voilà, on va commencer tranquillement en parlant du coup de ce que ça change pour les personnes du coup, qui ont des démarches de papier à faire et qui ne sont pas résidents français. Les infos que je vous donnerai tout au long de ce podcast sont en grande majorité tiré du site infomigrant.net. Voilà, donc on commence par qu'est-ce que ça change pour les papiers. Donc pour les demandeurs demandeuses d'asile et les détenteurs d'un titre de séjour arrivant à expiration, pas de panique, la validité des documents de séjour des étrangers en situation régulière sera prolongée de 3 mois à compter du 16 mars. Il n'y aura donc pas de rupture de l'allocation versée aux demandeurs demandeuses d'asile. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des entretiens à l'OFPRA prévus entre le 16 et le 29 mars, ils seront reportés. Donc, les entretiens à l'Office française de protection des réfugiés et apatrides sont reportés et le site précise qu'aucun document d'état civil ne pourra être délivré dans les locaux de l'OFPRA. Donc ça, c'est quand même assez embêtant. Par contre, les dépôts de demandes d'asile sont toujours possibles. Les demandeurs demandeuses d'asile doivent introduire leur dossier par courrier postal. Par contre, malgré le contexte particulier, aucune extension de délai n'est prévue, donc les dossiers doivent toujours être envoyés à l'OFPRA dans la limite des 21 jours après la délivrance d'une attestation de demande d'asile dans un guichet unique. Sauf que si les procédures de demande d'asile sont maintenues, ben les guichets uniques, eux, dans lesquels du coup les personnes doivent récupérer le formulaire de demande d'asile, ben eux, ils connaissent des bouleversements. Donc ça, c'est le guichet de la préfecture. Donc à l'image de la préfecture de police de Paris, qui a annoncé que l'accueil du public est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et apparemment, du coup, la situation est très contrastée sur le territoire concernant les guichets uniques. Donc, il y en a qui maintiennent des ouvertures, d'autres pas. Et ça risque de compliquer quand même pas mal les demandes d'asile. L'OFI, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a annoncé la suspension de toutes les procédures d'accueil du public en dehors de la procédure d'asile. Ça veut dire aussi que du coup les formations, les cours de français et les visites médicales des étrangers sont pour l'heure suspendues. Voilà. Et du coup, apparemment, c'est marqué aussi que de plus en plus de structures refusent désormais d'héberger des demandeurs d'asile. Mais donc ils parlent des CADA, mais il n'y a pas de précision. Donc, voilà pour ce qui est des papiers, des conséquences sur les démarches de papier. Ensuite, du coup, on va parler un peu plus de la situation des personnes qui n'ont pas de logement, pas de papier, ou en tout cas, voilà, au moins celles qui n'ont pas trop de logement, parce que comme vous le savez, il y a pas mal de campements de migrants, d'exilés, de réfugiés, un peu partout en France. Alors que le chef de l'État français a demandé à la population de se confiner et de respecter les règles d'hygiène afin de limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus, les migrants migrantes vivant dans les campements sauvages sont les grands oubliés de ces mesures. Les associations s'inquiètent et réclament des mises à l'abri. À Calais, les associations estiment qu'environ 800 migrants dorment à la rue, environ 500 autres se trouvent en bordure de Paris, principalement à Aubervilliers. Et les regroupements de plus de 100 personnes sont interdits. Or, ils sont beaucoup plus nombreux dans les camps de migrants-migrantes et plusieurs à vivre sous une même tente. Sachant qu'on peut rajouter à ça qu'il n'y a pas que Paris, Aubervilliers et Calais qui sont concernés, hein. Il y a beaucoup de villes de France où il y a des campements ou des gymnases ou des. Enfin bref, des endroits en tout cas où il y a plusieurs centaines d'exilés qui sont regroupés et entassés. C'est le cas à Nantes aussi, hein, où l'ancien gymnase, je pense, il est toujours fonctionnel. Il y a plus d'une centaine de places. Et il y a un nouveau gymnase qui a ouvert, où il y a sûrement plusieurs centaines de personnes aussi. Voilà, donc les mesures d'hygiène dans les campements sauvages posent aussi question. Les autorités ont distribué dans les camps de Calais des flyers avec les gestes d'hygiène à adopter. Mais il n'y a pas de point d'eau partout, ni même de savon. Une situation également observée dans les camps parisiens. Donc ça sert pas à grand chose de dire aux gens de se laver les mains s'ils peuvent pas se laver les mains. Du coup, c'est un scandale sanitaire. On assiste à de graves atteintes aux droits fondamentaux. Ce n'est pas nouveau, certes, mais c'est encore plus visible aujourd'hui. Et je dirais même que c'est non seulement plus visible, mais c'est surtout beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus dangereux. Conséquence immédiate du coronavirus, les maraudes ont été diminuées et de nombreux accueils de jour ont dû fermer leurs portes. Plusieurs familles subissent en effet de plein fouet le contexte anti-coronavirus. Alors que par exemple une association en région parisienne a mis fin aux hébergements solidaires et que les hôpitaux, qui pour certains accueillaient parfois des sans-abri, sont désormais dans l'incapacité de poursuivre ces hébergements en raison de la saturation des établissements ou des nouvelles règles sanitaires. Ainsi, comble de la situation de ces derniers jours, certaines personnes se sont retrouvées à la rue, lieu public, forcément à risque lors d'une pandémie, justement en raison des mesures prises dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc c'est quand même assez fou. Du coup, il y a quand même quelques mesures qui ont été prises ces derniers jours pour remédier à ça et suite aux alertes, notamment en Île-de-France. Donc la préfecture d'Île-de-France a annoncé le 19 mars la mise à l'abri de quelques 500 migrants-migrantes du camp d'Aubervilliers aux portes de Paris, une opération conjointe avec la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui doit prendre en charge 300 de ces personnes sur son département. Un total de 200 personnes seront par ailleurs installées dans des gymnases mis à disposition par la ville de Paris, et un renforcement des lieux pour se laver et avoir un minimum de suivi d'hygiène sera mis en place. La mairie de Paris avait proposé en début de semaine la réquisition de 14 gymnases de la capitale. Mercredi, 6 avaient déjà ouvert leurs portes. Michel Cadot, qui est le préfet d'Île-de-France, a également détaillé le plan mis en place pour les sans-abri et migrants, potentiellement contaminés par le Covid-19, avec plus de 300 places à l'isolement dans des centres de desserrement créés en Île-de-France. Donc 300 places, c'est bien, c'est pas beaucoup, et ça c'est des places qui sont réservées du coup aux personnes contaminées pour faire du confinement. Voilà. 3 ont ouvert jeudi, dont 2 à Paris, 1 à Nanterre et un quatrième qui doit ouvrir à Argenteuil pour accueillir des personnes présentant des symptômes, mais dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation. Du coup, ensuite, ça explique la situation de Bettina Diallo, une Sénégalaise de 37 ans, qui a été aussi logée jeudi dans un hôtel par des associations. Donc voilà, il y a aussi ça, des places d'hôtel qui sont débloquées par des associations ou par les collectivités territoriales. À chaque fois, c'est bien, c'est pas mal de places qui sont réquisitionnées, dans les hôtels notamment, etc. Mais c'est malheureusement jamais suffisant. Et bref, là, Bettina Diallo, elle dit qu'elle redoute d'être mise à la rue à tout moment. « J'ai peur. Hier, des policiers m'ont vue dans la rue et ils m'ont dit « rentrez chez vous, mais je n'ai nulle part où aller », sanglote-t-elle. » Donc ça aussi, c'est un problème, c'est que dans plusieurs villes de France, selon Ouest-France, du coup, des SDF ont expliqué au SAMU social qu'ils ont reçu des amendes pour ne pas avoir respecté les règles de confinement. Dans pas mal de villes, en fait, il y a eu ce problème. Et après, bon, les autorités ont réagi en disant que normalement les amendes seraient annulées. Mais c'est quand même le comble, quoi. Voilà. Et puis, pour compléter, parce qu'il ne faut pas croire, les personnes à la rue et les personnes racisées particulièrement, c'est sûr que c'est pas parce que c'est le confinement ou je sais pas quoi que les flics les font pas chier, au contraire. Parce que maintenant, il ne reste plus que ces personnes-là, en fait, dans la rue. Et les flics les ont toujours en vrai harcelé et discriminé, etc. Et du coup, bah, y a encore des témoignages qui arrivent aussi sur comment les gens ils se font traiter. Parce que bon, se prendre une amende, c'est stupide, mais c'est qu'une amende. Parce que là, ma source, là, c'est du coup, c'est un site qui s'appelle acta.zone, qui du coup fait un peu le suivi de différentes informations et qui dimanche a publié à 16h30 un témoignage trouvé sur Facebook qui dit « Hier à Sarcelles, un réfugié politique turc a été arrêté, violenté et envoyé à l'hôpital par des forces de l'ordre. le fait qu'il manque une date à son attestation ne lui a pas valu une amende, mais d'être frappé, insulté, mis en garde à vue, puis envoyé à l'hôpital, et ainsi mis en contact avec de nombreuses personnes infectées par le coronavirus. Voilà, bon, ça c'est un des témoignages voilà, qu'on peut lire sur Facebook, après c'est Facebook, hein, voilà, mais je pense que des témoignages comme ça, il y en a plusieurs en fait, où les gens ben, en fait, se font violenter par la police, c'est sans surprise, mais ça mérite d'être rappelé. Voilà, et dernière nouvelle qui est quand même pas des moindres, on parlait du coup des places d'hébergement qui sont ouvertes, que ce soit dans les gymnases, dans les hôtels, à Calais. C'est pas les mêmes efforts qui sont faits. Enfin, j'ai pas trouvé spécialement d'infos sur des structures qui auraient ouvertes. Par contre, sur ce même site, acta.zone, à 9h dimanche, ils publiaient donc de source France 3 cette fois-ci, que l'épidémie n'empêche pas les démantèlements de camps de migrants à Calais. Selon le procureur de Boulogne, rien ne prouve que ces gens sont malades. On invite les gens qui occupent illicitement un terrain à le quitter. Voilà sa justification. Alors que ces opérations sont dénoncées par les associations, le maire de Calais a proposé la réquisition de bases militaires pour y loger les migrants-migrantes, proposition à laquelle les services de l'État n'ont pas donné suite. Voilà pour Calais, donc c'est chaud chaud chaud. C'est chaud chaud. À Ouistreham aussi, j'avais lu ça, qu'il y avait un ancien centre de vacances qui a été aussi réquisitionné pour loger des gens, et je pense à droite à gauche comme ça il y a des initiatives quand même qui sont prises pour mettre à l'abri dans des conditions à peu près potables les personnes des campements, mais c'est loin d'être encore suffisant, donc il faut continuer les efforts, et il faut continuer aussi à dénoncer les situations si on veut que les choses elles bougent un peu. Voilà, ensuite je vais finir ce point par la lecture du coup d'un article paru le 20 sur infomigrant.net et qui s'intitule « La France a expulsé des migrants malgré les mesures de lutte contre le coronavirus ». Malgré le discours du président français annonçant le début du confinement pour les personnes vivant en France ainsi que la fermeture des frontières en raison de l'épidémie de coronavirus, les autorités ont expulsé cette semaine des étrangers dans leur pays d'origine et en ont refoulé d'autres à leur arrivée dans un aéroport français. Depuis le 16 mars, au moins 10 personnes ont été renvoyées, soit dans leur pays d'origine, soit dans le premier pays d'entrée en Europe, dans le cadre du règlement Dublin, selon la CIMAD. On a constaté des renvois depuis des centres de rétention administrative vers le Maroc, l'Algérie, le Congo, le Mali, le Sénégal, la Roumanie, la Géorgie et même les Pays-Bas. Donc on risque d'exporter le virus dans d'autres pays. Même si les expulsions sont moins nombreuses qu'en temps normal, cela pose la question, car c'est en totale contradiction avec la politique générale actuelle. En effet, l'épidémie de coronavirus qui touche la France a mené lundi 16 mars, les autorités ont exigé le confinement de la population, ainsi que le strict respect des mesures barrières. Se laver les mains, tousser dans son coude, respecter les distanciations d'au moins un mètre. Le président a également annoncé la fermeture des frontières. De plus, l'Organisation mondiale de la santé a appelé les États touchés par l'épidémie à limiter l'exportation et l'importation du virus. Cette politique d'expulsion est complètement aberrante. On prend le risque d'exporter le virus dans d'autres pays. Et aussi, il faut savoir que de nouvelles personnes ont été enfermées dans les CRA depuis lundi. La CIMAD milite pour la fermeture des CRA en cette période de crise sanitaire, arguant que les mesures prises ne sont pas suffisantes pour protéger les personnes enfermées contre le coronavirus. Les personnes mangent ensemble dans les réfectoires, les mesures de distance ne sont pas appliquées, les interactions sont nombreuses. Voilà pour les CRA, mais si vous voulez plus d'infos concernant ce qui se passe dans les CRA, il y a le très bon site abalecra.noblogs.org, parce que les gens qui sont enfermés à l'intérieur, là, ils réagissent, ils s'organisent et ils essaient de lutter. Faut savoir quand même que plusieurs CRA ont été déjà vidés, enfin, ils essayent de libérer une partie des gens, mais comme disait cet article, en vrai, il y a aussi des nouvelles personnes qui se font arrêter. Et tout à l'heure aussi, on va diffuser une émission qui s'appelle Casse-Muraille, que vous pouvez écouter sur Jet FM les dimanches midi, et qui va aussi lire des témoignages de personnes en lutte dans les centres de rétention. Voilà, je poursuis l'article qui parle maintenant des API. La situation est quasi similaire dans les API, les zones d'attente pour les étrangers, dans les aéroports ou dans les ports. Selon l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, présente dans les API, les refoulements d'étrangers se poursuivent malgré le risque d'infection dans les pays d'origine. C'est notamment le cas à l'aéroport de Beauvais, où toujours selon l'ANAFE, plusieurs personnes ont été refoulées ces derniers jours. Selon nos informations, il y a eu des tentatives de refoulement à l'aéroport d'Orly, de Marseille et de Toulouse, les 18 et 19 mars. De plus, les placements en ZAPI continuent. On comptait 38 personnes dans celle de Roissy mercredi, ils étaient 47 le lendemain, alors que 4 personnes avaient été relâchées la veille. À la date du 20 mars, 53 personnes seraient encore maintenues en ZAPI. L'association s'inquiète également de ces placements, alors que dans certaines ZAPI, l'accès au juge n'est pas garanti. C'est notamment le cas à Bobigny, où le juge des libertés et de la détention a suspendu ses audiences. Ben oui, parce qu'il y a ça aussi. Il y a la justice qui marche au ralenti et du coup, bah, ça complique plein de trucs. Et notamment, bah, effectivement, le juge des libertés et de la détention, qui permet en général quand même aussi la libération des personnes détenues, ou on va dire retenues, au moins. Les personnes sont donc arrêtées aux frontières, placées en ZAPI et libérées après 4 jours car elles n'ont pas pu voir un juge. Où est l'intérêt ? D'autant que, comme dans les CRA, les mesures d'hygiène et de distanciation ne peuvent être respectées. Si les personnes enfermées n'ont pas de symptômes, rien n'est fait. Or, on sait que même sans symptômes, on peut être porteur du coronavirus. Si quelqu'un présente des symptômes, il est placé à l'isolement en attendant l'arrivée du SAMU. Ce n'est pas une solution. L'ANAFE demande donc la libération des personnes enfermées, la suspension des placements en ZAPI et des refoulements. Contacté par InfoMigrant à plusieurs reprises, le ministère de l'Intérieur n'a pas répondu à nos sollicitations. Voilà, c'était un peu un tour des nouvelles concernant la situation des personnes étrangères, principalement exilées, migrants, sans papiers, en France. On va s'écouter une musique et puis ensuite on parlera un peu plus de ce qui se passe dans d'autres pays. On va écouter Sid No Border. Insoumis qui veulent accueillir leurs frères, à ceux qui veulent garder ouvertes leurs frontières, à ceux qui tendent la main tout en jetant la pierre. Liberté de circuler, interdit de spéculer, ne plus laisser faire. Capital, victime du libéral, pays colonisé, peuple oppressé, dictature financière, vol des matières premières, dictateur financé, révolution étouffée, oppression politique pour intérêt économique, espoir d'ailleurs meilleur, de vivre sans la peur, enquête de liberté au pays des richesses volées, poussé à s'en aller, poussé à tout quitter. Ce sont nos égoïsmes qui nous leur enfer, ce sont nos peurs de l'autre qui les emmènent au cimetière. Mais leur survie s'arrête là où commencent nos barrières. Mais leur survie s'arrête là où commencent nos frontières. Nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes, nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes, nos borders pas sans raison, animés par la rébellion. Briser leurs filles, nous briserons vos vitrines, nous construirons leur abri avec nos rêves d'autonomie, nous les accueillerons chez nous comme nous le voudrions chez eux, nous serons leur éclaircie pour dissiper vos belles promesses, nous lutterons sans répit pour faire taire votre allégresse. Vos frontières vous arrangent bien, gardez les pauvres dans leur pays, exploitez à l'étranger en leur faisant rêver d'ici, voler leurs richesses sans jamais les rétribuer, vous appelez ça économie, moi j'appelle ça des colonies. Nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes, nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes. La terre est ronde et ne connaît aucune limite, bien qu'il y ait des cultures, des usages, des traditions qui diffèrent. Nous sommes tous fils et filles de terre-mère. Les lois naturelles ne nous empêchent pas de migrer, de voyager, de circuler, mais elles condamnent l'exploitation immorale, bien que légale, que vous faites de l'être humain. accueillir le vivant ou la vivante, d'où qu'il soit, d'où qu'il vienne, tout en sabotant les entreprises et gouvernements salaces qui installent et profitent de cette situation d'inégalité crasse. Liberté de circuler, égalité de circulation, fraternité avec les circulants, loin de vos centres de rétention et des reconduites à la frontière. Vous pouvez nous stigmatiser, mais nous sommes et resterons le grain de sable de votre machine bien huilée. Nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes, nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes, nos borders insaisissables, nos borders insatiables, nos borders solidaires, nos borders libertaires, nos borders radicales, nos borders antilibérales, nos borders utopistes, nos borders humanistes. Vous êtes toujours sur Radio Cayenne, on va continuer à parler des conséquences de la pandémie de coronavirus pour les réfugiés, les exilés. Et du coup, cette fois-ci, on va parler un peu plus du niveau international, même si je ne vais pas tout détailler. On va un petit peu faire la suite et le suivi des sujets que j'ai abordés déjà la semaine dernière. Du coup, la semaine dernière, on a parlé de la situation à la frontière gréco-turque et sur les îles grecques. Du coup, c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur le blog. Le blog Radio Cayenne, tout attaché, .noblogs.org. Voilà, si ça vous intéresse de réécouter ce podcast. Du coup, pour commencer ce point, je vais lire un petit article qui est paru sur Info Migrants et RFI. En fait, ça parle du HCR, qui est le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, qui est une ONG dont on pourrait, qu'on pourrait fortement critiquer, hein, qui est du coup en gros le gestionnaire principal des camps de réfugiés à travers le monde. Ces camps qu'on peut considérer à juste titre comme des sortes de prisons aussi, hein, voilà. Bref, le HCR, c'est quand même l'ONG qui fait autorité en la matière, on va dire. Voilà, et qui du coup essaye, entre guillemets, enfin qui est censé en tout cas faire appliquer les droits humains et les droits internationaux. Et donc du coup, je vais vous lire quand même cet article qui parle de ces recommandations en ces temps de pandémie. Donc alors que la pandémie de Covid-19 touche de plus en plus de pays, le HCR a sollicité d'urgence un financement initial de 33 millions de dollars pour renforcer ses activités de préparation, de prévention et de réponse au virus. Le HCR a également publié une note juridique qui rappelle les bases du droit international. D'abord, le droit pour les États de réguler leurs frontières, mais sans que cela n'empêche en aucune manière la possibilité de demander l'asile. Deuxièmement, rappelle que le refoulement des personnes en demande de protection est interdit, sans exception. Il rappelle la règle, une personne en danger se présentant à une frontière doit être entendue et il n'existe pas de formulation particulière à respecter pour les demandes d'asile. Concernant la mise en place des mesures sanitaires, le HCR énumère les obligations des États, que les demandeurs d'asile aient accès à une bonne information dans une langue qu'ils comprennent et puissent entrer en contact avec les agences de l'ONU, quelles que soient les mesures sanitaires mises en place. Cinquièmement, le HCR rappelle le droit des États à prendre des mesures de protection sanitaire, mais aussi que celles-ci doivent être nécessaires, proportionnées et raisonnables, et qu'elles ne doivent pas empêcher la demande d'asile ou cibler les demandeurs d'asile en particulier. Le HCR reconnaît, pour conclure, que la protection sanitaire peut induire des limitations des mouvements pour une période limitée, mais que l'État de droit ne peut être suspendu. et que le refoulement des personnes malades ne fait qu'augmenter les risques de propagation et de maladie. Du coup, voilà, je voulais juste vous lire ça en introduction parce que ça va venir aussi résonner par rapport aux infos que je vais donner derrière. Et vous allez voir qu'effectivement, si le HCR rappelle ses règles aux États, c'est pas un hasard, c'est parce qu'en en fait, ils respectent pas trop ça. Donc on enchaîne un peu sur la situation en Grèce. Avant ça, peut-être, je vous informe que donc on avait parlé de la situation à la frontière gréco-turque la semaine dernière. Donc il faut savoir que le 18 mars, la Turquie a refermé ses frontières avec l'Europe. Donc il y a toujours, je pense, énormément de personnes qui sont massées à la frontière gréco-turque. Voilà, donc je sais pas ce qu'il en est depuis, mais en tout cas les frontières sont de nouveau fermées pour éviter effectivement la propagation de Covid-19. Donc voilà, la Turquie, comme beaucoup de pays, a fermé ses frontières, quoi. Voilà, et pour ce qui est donc de l'île grecque de Lesbos, on va en reparler. On va en reparler. Du coup, je vous lis un peu un mélange d'articles que j'ai trouvé sur Info Migrant. Donc Info Migrant, c'est un site internet de médias assez classique, on pourrait dire, avec des journalistes, tout ce qu'il y a de plus classique. Et le site internet, c'est info au singulier migrant avec un S tout attaché, .net, infomigrant.net. Donc en Grèce, où le pays vit au ralenti en raison des mesures restrictives liées à la pandémie du coronavirus, le gouvernement a décidé le confinement des camps de demandeurs d'asile des îles de la mer Égée. Un confinement prévu au départ pour une durée minimale de 2 semaines et qui concerne au total près de 40 000 personnes réparties sur 5 îles voisines de la Turquie, dont celle de Lesbos. Je rappelle aussi que, comme je l'ai dit la semaine dernière, la Grèce a suspendu les demandes d'asile pour 1 mois. C'est-à-dire que quand on arrive en Grèce aujourd'hui, c'est plus possible de déposer une demande d'asile. Voilà, c'est une mesure qui a été prise, je pense, début mars ou fin février, quand la Turquie a ouvert sa frontière. Donc, c'est valable pour 1 mois, donc jusqu'au mois d'avril, a priori. Ce qui, comme on vient de le dire avec les mesures du HR, est complètement interdit, quoi, en fait, illégal. Bref, je reviens à la Grèce. Les mesures de confinement ne risquent pas d'arranger le sentiment d'abandon des demandeurs-demandeuses d'asile de la mer Égée. De nombreux observateurs, ONG en tête, redoutaient d'ailleurs les conséquences possibles de la pandémie de coronavirus sur leurs conditions de vie déjà catastrophiques. Éviter la diffusion du coronavirus. La semaine dernière, donc ça remonte en fait à la première quinzaine du mois, donc avant le 15 mars, Médecins sans frontières appelait ainsi le gouvernement grec à immédiatement évacuer l'ensemble des camps pour éviter une diffusion rapide du virus au sein de ces populations. Et au jour d'aujourd'hui, à ce qu'on sait, ça n'a pas été fait. Le gouvernement grec n'a pas fait ça. Dans et autour de ces camps surpeuplés, les conditions d'hygiène sont en effet déplorables. Ainsi, les gestes recommandés, comme se laver les mains régulièrement, n'ont guère de sens. Quand dans certaines parties du camp de Moria, par exemple, il n'y a qu'un seul robinet pour 1300 personnes. Sans parler de l'intense promiscuité qui est la norme dans ce genre de campement. Bon, cela dit, le gouvernement a mis en place quelques mesures, donc selon les autorités, des équipes médicales spécialisées seront déployées dans les camps et des secteurs de quarantaine seront créés. Il y aura aussi la vérification systématique de la température de tout nouvel arrivant et la désinfection des espaces communs et des entrées. Et on verra un peu plus loin que c'est un peu bizarre parce qu'ils parlent de nouvel arrivant alors qu'ils parlent aussi de confinement du camp et ils disent que les nouveaux arrivants pourront pas intégrer ces camps. Donc c'est quand même très étrange. Ensuite, en ce qui concerne les sorties qui sont restreintes, donc à présent déjà les activités au sein du camp des camps de réfugiés sont suspendus et plus aucune personne extérieure n'est autorisée, donc ils sont vraiment confinés. Sachant que les activités et les personnes extérieures, ça veut dire qu'il n'y a plus d'associations et d'ONG, ou qu'en tout cas les effectifs sont très réduits aux activités minimales, j'imagine, de distribution de la bouffe et d'accès aux soins. Et donc, tout le reste, il n'y a plus personne, et ça c'est pour un peu tous les camps, en fait. Tous les campements de réfugiés à travers le monde, quand ils sont dans des pays où il y a des restrictions et des confinements, etc., ou enfin, quand il y a des mesures de prise contre le Covid-19, en fait, les salariés des ONG et des associations, la plupart du temps, ne travaillent plus dans les campements et retournent chez eux se confiner, ou en tout cas, voilà, il y a un truc comme ça, alors que leur mission est quand même assez essentielle, mais bon. Les mouvements des résidents des camps sur les îles sont drastiquement réduits. Les sorties vers les rares commerces encore ouverts, comme les pharmacies ou les supermarchés, ne sont autorisées que par petits groupes. Ces groupes ne peuvent comporter qu'une personne par famille, et leurs mouvements dans les transports publics sont contrôlés et régulés par la police. Et autant que possible, l'approvisionnement doit se faire par commande par téléphone. On ne sait pas exactement quelle forme ça prend. Donc c'est une solution qui paraît difficilement tenable et qui laisse craindre l'éruption de nouvelles violences. Des dizaines de milliers de migrants, migrantes vivent dans des camps surpeuplés sur le continent et sur les îles de la mer Égée, comme on le disait. Mais aussi des centaines d'autres sont arrivés en Grèce début mars, après la décision de la Turquie d'ouvrir ses frontières. Et aucun de ces derniers arrivants ne sera autorisé dans les camps existants, par précaution sanitaire, a averti le ministre des Migrations. Donc là, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont en dehors des camps, qui déjà vivent dans des conditions terribles parce qu'il n'y a rien pour elles et eux. Y en a plein, on imagine, ils vivent sur les plages avec leur famille, dehors, sans abri, sans rien. Et du coup, ils sont exclus de toute mesure sanitaire. Ces personnes-là sont carrément exclues de toute mesure sanitaire, en plus de ça. Donc voilà, ça c'était un peu un point sur la situation en Grèce. Voilà, donc c'est pas ouf. Hein. Voilà, il faut rappeler peut-être un petit peu aussi que, bah, comme je disais, c'est dans tous les camps de réfugiés que la situation est difficile, parce que même quand on a des camps qui sont pas surpeuplés, quand on a accès à du savon, à de l'eau, à des douches à peu près correctement, même quand c'est le cas, en fait, les campements de réfugiés, c'est des endroits où il y a forcément de la promiscuité. C'est des endroits fermés où il y a beaucoup de gens qui vivent, où les familles sont entassées sous des tentes. Donc les gens, ils vivent en tente, les tentes qui sont quand même les unes à côté des autres et sur un espace réduit et clos, quoi. Souvent, les campements, c'est entouré de grillages, de barbelés, avec des sorties qui sont limitées et avec beaucoup de gens sur un espace qui est réduit, quoi. Donc ça veut dire que les mesures de distanciation sociale ne sont pas applicables dans la plupart des camps de réfugiés. Donc c'est des endroits où forcément, si le Covid-19 arrive, ce sera extrêmement compliqué de faire en sorte que le virus ne se répande pas à toute la population du camp. Donc ce qui est à craindre dans les mois qui viennent, c'est que ce virus y fasse des milliers de contaminés parmi les camps de réfugiés, et donc sûrement aussi des milliers de morts, parce que il y a des personnes vulnérables parmi les réfugiés, et d'autant plus quand tu vis dans des conditions qui sont difficiles. Parce que quand même, dans beaucoup de campements, c'est surpeuplé, l'hygiène est compliquée, etc. Et la santé n'est pas toujours simple non plus. Donc en fait, on a un nombre élevé, très probablement, de personnes à risque, en fait, dans ces campements-là, de personnes vulnérables. Et en plus de ça, on a des conditions qui ne permettent pas, en fait, de mettre en place des mesures sanitaires satisfaisantes. Et donc, les risques sont très élevés, et ça risque d'être une vraie catastrophe sanitaire, en fait, les campements de réfugiés, et on n'en parle presque pas, quoi, et je trouve que c'est pas normal, en fait. Voilà. Autre conséquence du coronavirus, en Méditerranée, il n'y a plus aucun navire humanitaire pour le sauvetage en mer qui n'est présent. Du coup, là, je vais vous lire aussi un article paru sur Info Migrants qui est en date du 20 mars. Voilà. Face au contexte de crise sanitaire dans lequel est plongée l'Europe, les ONG qui viennent en aide aux migrants ont suspendu leur opération de sauvetage en mer Méditerranée jusqu'à nouvel ordre. Pour SOS Méditerranée, il s'agit de préserver la sécurité de l'équipage et des rescapés. L'Ocean Viking, par exemple, n'assurait déjà plus d'opérations de sauvetage depuis le 23 février, jour où ont été débarqués dans le port de Pozzallo en Italie 276 migrants secourus en mer. Et après ce débarquement, les membres de l'équipage ont dû observer 14 jours de quarantaine, à l'issue desquels personne n'a montré de symptômes, mais voilà. Donc ils ont été 14 jours en quarantaine avant de pouvoir retourner vers la France. Et du coup, c'est pour ça en fait que les ONG ils arrêtent le sauvetage en mer, c'est parce que bah en fait de fait les frontières sont fermées et que c'est plutôt une bonne mesure d'éviter en fait que les gens enfin qu'il y ait trop de mouvements de population entre les pays pour éviter du coup que le virus se diffuse. Mais du coup, bah ça fait que bah voilà qu'en fait à chaque fois que tu viens par exemple, ramener des gens sur la terre ferme, bah forcément, ces gens-là, ils sont mis en quarantaine, et toi aussi, ce qui est normal, mais du coup, bah, ça fait que si les bateaux sont bloqués de toute façon, toujours, bah là, c'était 14 jours, mais ça peut être plus selon les pays, enfin, s'ils sont bloqués à chaque fois, c'est compliqué, etc. Et du coup, bah, ils peuvent plus vraiment agir, et puis, bah, en fait, sur les navires... De fait, tu peux pas respecter non plus, pareil, la distanciation sociale, etc. Et il s'agirait pas de propager le virus encore plus. Voilà. Donc le consensus autour de ces questions de sécurité et de précautions sanitaires semble être fait parmi la flottille de navires humanitaires qui sillonnent d'habitude la zone de recherche de sauvetage. Plus aucun navire n'est présent en ce moment, mais cela pourrait changer au cours des prochaines semaines. Ces suspensions d'activité sont des crève-cœur pour les humanitaires, car si le coronavirus provoque une crise sanitaire mondiale, force est de constater qu'il ne dissuade pas les migrants de prendre la mer, notamment pour fuir les violences en Libye. Nous pensons à la situation en Libye qui ne s'améliore pas, là-bas le drame continue. Soutient François Thomas, qui espère pouvoir remettre une équipe à flot dès que la situation le permettra. Il me semble que c'est le gars de SOS Méditerranée. Le week-end dernier, quelques 406 personnes qui avaient tenté de s'enfuir de la Libye à bord d'embarcations ont été interceptées par des gardes-côtes libyens. La plupart ont été envoyées en détention. Quelques jours auparavant, plus de 70 personnes réparties sur deux embarcations étaient par ailleurs arrivées de manière autonome sur l'île de Lampedusa, selon une journaliste italienne. Donc voilà, les traversées continuent. Certaines embarcations du coup sont récupérées par des gardes-côtes. Bon, en Libye, vu la situation, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Certains arrivent à Lampedusa ou à Lesbos sans problème. Mais en fait, on pense à toutes les embarcations qui arrivent pas. En fait, on pense aux centaines de personnes qui du coup vont pas pouvoir être secourues et qui vont bah, probablement mourir en mer en fait. Et qui vont avoir juste aucune chance de s'en sortir. Et ben ça, en fait, c'est des victimes des politiques européennes, mais aussi en fait du coronavirus quelque part, parce qu'ils vont pas mourir du virus, mais ils vont mourir des conséquences et des suites, ben en fait des mesures sanitaires qui sont obligées d'être prises contre le virus, mais que bah ben, comme d'habitude on a juste oublié en fait. Bah, ces personnes et ces besoins spécifiques et rien n'a été mis en place en fait pour permettre en fait que les personnes soient quand même secourues et soignées, protégées du virus une fois sorties des eaux et tout ça. Et c'est lamentable parce que voilà en fait ces victimes là elles seront pas comptées comme victimes alors qu'en fait bah ça va faire des centaines de morts supplémentaires. Donc voilà, c'est énervant. Et du coup, bah, pour finir, je vais vous lire un peu des nouvelles aussi de la Libye, parce que bah, comme disait l'article, bah, la situation elle est toujours dramatique là-bas. Du coup là, bah, c'est un article que j'ai trouvé sur RFI, qui a été publié aujourd'hui, ce matin. Coronavirus en Libye, forte inquiétude concernant les migrants. La Commission nationale des droits de l'homme en Libye a appelé ce vendredi 20 mars, les autorités libyennes et la communauté internationale à agir pour fermer les centres de rétention de migrants en Libye en raison du coronavirus. Tous les migrants-migrantes qui tentent la traversée de la Méditerranée sans y parvenir sont interceptés par les gardes-côtes libyens-libyennes. Enfin ça, c'est quand ils se noient pas. Et échouent dans des centres de rétention où les conditions de vie sont épouvantables. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés, rien qu'au mois de janvier dernier, il y avait 1040 migrants et réfugiés qui ont été interceptés en mer et ramenés dans des camps de rétention en Libye. Et pour Walid Al-Odeiri, responsable au sein de la commission libyenne des droits de l'homme, cette situation est inacceptable, surtout avec la crise du coronavirus. Même si ces camps représentent moins de 5% de la population migrante africaine qui se trouve en Libye, nous savons que ces gens n'ont absolument aucune chance de survivre. Nous nous attendons à une catastrophe humanitaire sans aucun précédent. Personnellement, je peux vous dire que la Commission nationale des droits de l'homme en Libye met la responsabilité principalement en direction de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Les gouvernements locaux aussi et les autorités de ces milices qui font tout pour créer et maintenir cette situation barbare, qui est fructueuse pour eux, qui trafiquent pour leur propre gain, sans scrupules. Il faut maintenant, bien évidemment, prendre ses responsabilités sur ce qui va arriver. Et le responsable de la Commission libyenne des droits de l'homme en appelle à la communauté internationale. Elle doit absolument réagir. Il faut absolument aider ces gens. Il faut fermer ces camps de concentration de la mort, ces prisons humaines. Et aider à rapatrier ces gens vers leur pays, ou bien évidemment aider certains à obtenir un asile en Europe, selon les lois et les conventions internationales qui sont connues de tous. Voilà, c'est pas des bonnes nouvelles, hein, mais voilà, c'est important quand même, je pense, de parler de cette situation, parce que, bah, en fait, les conséquences de la pandémie de coronavirus, bah, nous, on vit les conséquences à notre échelle, dans notre état. Mais on oublie parfois, ou on a du mal à se figurer les conséquences que ça peut avoir ailleurs et pour les populations qui sont les plus précaires, les plus dans la merde, les plus discriminées de partout et qui sont déjà en fait dans des conditions sanitaires horribles, qui sont déjà en fait enfermées, torturées, bref. Enfin, qui vivent déjà des choses affreuses, et ben ces populations-là aussi, en fait, elles sont touchées par la crise du coronavirus. Et pas forcément, pour l'instant, pas forcément au niveau des infections, mais ça risque d'arriver. Mais voilà, il y a aussi des conséquences collatérales au fait que les États confinent, au fait que les États ferment les frontières, au fait que les ONG soient obligées d'arrêter leurs activités ou de les limiter. Voilà, c'était pour terminer ce petit point sur les exilés. Ausweise Zentrum, nachdem die meisten jahrelang Ausweise kämpfen, manche helfen, indem sie denselben Trausch. Freiheit hätte überhaupt keine Grenzen. Dieses Land verlassen, keiner kriegt davon was mit, verdammt, ich kann's nicht fassen, ohne Land zu fackeln, deportieren besser besser Menschen, wegen lächerlicher Grenzen, die so Stresser sich erkämpfen, Grenzen stoppen Flucht vor dem Leid, das sie erzeugen, und sich leiten, Touren beugen, kann nur Scheiße so bedeuten, unnütze Migranten sind vom Staat nicht gewollt, denn in Schwarz-Rot-Gold ist grad das Boot voll, unnütze Migranten sitzen in Abschiebehaft, und der Staat schiebt sie ab, Schweigen ist Akzeptanz, darum kämpfe ich verbal, kein Mensch ist illegal, stop deportation. Bring alle Abschiebeknäste. Stop deportation. Bring alle Abschiebeknäste. Stop deportation. No border, no nation. Stop deportation. Solidarität muss praktisch werden. No nation, no border. '62 gab's in unserem Staat so manchen Arbeitsplatz, ohne bezahlt und der hat hart auch gut genug gearbeitet. Doch aus Menschen, die ursprünglich nicht in Deutschland wohnen, 4,2 Millionen, bis die Krise und Rezession zu teuer wurden und die deutschen Pisser erkannten, dass die Leute verschwanden, wenn wir die Wirtschaftsflüchtlinge nannten. Und hier zu landen wurde gefährlich im Westen und im Ostblock. Wo, wo, wo wart ihr in Rostock? Wo, wo, wo wart ihr in Rostock? Wo seid ihr jetzt? Es wird weiter gehetzt.